êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Jasmine Raymond-Dréville nous chante une jolie comptine. Et on parle de l'âgeux guitare avec Anne-Julie Durocher. On a aussi David Ferron qui partage un autre sujet dans sa chronique Graines de pivot. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour, bienvenue à cette édition d'Assemblage requis en ce mercredi 11 avril 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et c'est Mathieu Plante. Oh oui! Hein? Dans le coin gauche. Ouais, dans le coin gauche, portant quand on voit gris, oui. Un chandail bleu et blanc. Oui, bravo. Mathieu Plante. Et toi, ta superbe nappe de pique-nique, que j'aime beaucoup, tu le sais. Tu sais que je l'aime. Je sais que tu l'aimes. Je t'en parle tout le temps, mais elle est très jolie. Oh, et il se touche les mamelons en plus. Wow, Non, c'est un oiseau mort, excuse-moi, c'est un oiseau mort, je pense que t'as sur ta chemise. Ouais. Et voilà, donc François-Olivier Marchand, bonjour. Bonjour Mathieu Plante. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, passez une belle soirée. Hey, ça va vite cette semaine, ouais, ma soirée est correcte. J'ai fait des devoirs. Ah oui. Ouais? Poche comme ça. Dommage ça. Mais ça passe déjà vite, écoute, on est déjà mercredi. Oui, c'est le milieu de la semaine ça. Non, enfer, et demain, notre dernière émission de la semaine déjà. Oui, après ça, il va rester deux semaines avant l'été. C'est ça, exactement. Donc, wow, hein? Ça va vite. Ça va très vite, ouais. J'espère que ça va vite pour vous à la maison aussi, que vous soyez en grève ou pas. Là, on sait qu'il y a environ presque 2000 étudiants en grève, 1800 quelque chose. Ouais, je ne sais pas exactement le chiffre, mais Anne-Julie Durocher va nous éclaircir ça. Exactement, vers les 8h. C'est toujours à 8h, sa chronique. Avant ça, à 7h30, on va avoir Jasmine Raymond-Drainville et ses comptines de Jasmine. Elle va nous parler donc de musique, quelque chose qu'elle aime écouter en ce moment sur son lecteur MP3. Hein? Tiguidou. Oui. En fin d'émission à 8h30, on va avoir David Ferron avec sa chronique Graines de pivot. Il nous parle des élections en Belgique. OK. Tu vois, moi, je suis pas un gars très cultivé géographiquement et politiquement, donc j'aimerais ça être renseigné par rapport à ça. Donc, David, tantôt. Ouais. Bon, ben. Et à 9h15, on a quelqu'un d'autre aussi. Oui, à 9h15, on va recevoir Babacar Thiam qui va nous parler de le 48 heures multiculturel ici à l'université qui se déroule présentement. Et puis, je pense qu'il y a une activité aussi qui va se dérouler samedi. Que je vous en dis pas plus long. On en garde pour plus tard. Hein? Exactement. Ce n'est qu'une présentation. On va avoir aussi la chronique Geek Scenic tantôt. On débute avec Ariane Moffat. Voici Too Late au 89 FM. C'est fou. Pas d'émission. Jamais trop tard pour retourner sur faire. Ouais, pas étudier. Non. I miss your fears, the souvenirs. I miss your sweet taste, you laughed hysterically. I miss your grace and your flexibility. I miss the nights, the frantic pace. I miss the consequences, the price to pay. Oh, I miss Paris, pornography, your charge on me. I miss the way you used to love me. Thank you.

Toujours fascinant. Sur Nintendo Wii, Titanic Mystery, on s'approprie un petit peu. Ouais, c'est ça. Disons que c'est de l'opportunisme. En fait, c'est un jeu d'objets cachés, nous dit-on. On cherche des choses. Il sort aussi sur... Je trouve ça tellement ennuyant. Hey, c'est les pires jeux, c'est, ça. C'est incroyable. Ah, oh, c'est plate. C'est incroyable. Mais on vous juge pas si vous jouez à ça, hein, du tout. Un petit peu. Ça sort aussi sur Nintendo DS. Et Xenoblade Chronicles, un jeu de rôle. Sur Nintendo WiiWare, TNT Racers, un jeu de course arcade. Et sur Nintendo 3DS, on trouve Funky Barn, un autre simulateur de ferme. Sur le Nintendo eShop, en ligne seulement, Colors, un jeu de dessin. On nous dit robuste. Tu sais, c'est très populaire sur iPhone, le petit jeu de dessin Draw, je sais pas quoi. Robust. Draw something robust avec beaucoup de... Robust. Robust. Robust. Robust, c'est... Tu sais, en anglais, ça a l'air beaucoup plus crédible. Oh, ouais. Non, c'est pour... Robust, c'est genre qu'il y a beaucoup d'outils, peut-être. Tu sais, des différentes sortes de pinceaux. De... OK. Des affaires là, qui, encore une fois, me touchent pas tant que ça. Sur DSiWare, en ligne seulement, mais seulement sur la Nintendo DSi, on retrouve Penguin Patrol, qui est un puzzle. Voilà, vraiment pas beaucoup de nouveautés en termes de jeux vidéo cette semaine, malheureusement. C'est tout pour Scénix aujourd'hui. Ça va faire. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Hey, tu t'en sauves pas mal côté chiptune cette semaine, je trouve. Yeah. Hein? À date, je, hein? Je m'en porte bien. Ouais. Je m'en porte bien. T'as l'air d'avoir... rassuré. T'as une bonne mine. Une bonne mine. Une bonne mine. Hey, après la pause, on va avoir une bonne Jasmine. Oh! C'était juste pour ça que j'ai dit ça. C'était comme un lien. Va rester là. On revient tout de suite. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Oui, avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est bizarre. Oui, bonjour. Malheureusement. Désolé. Désolé, on est là. Sorry. I'm sorry. Ça va faire? Ouais. C'est bon? Okay. Ça y est. Jasmine vient d'arriver. Je pense qu'elle voit que j'essaie de mettre le plus de pep possible ce matin. Ah oui. Je vois qu'Angélie vous chicane tantôt. Ben nous, chicane. Écoute, lève-toi debout. OK. Lève-toi debout, enlève ton chandail. OK, c'est fait. À date, deux étapes de fête. Je serais pas vraiment plus pépé, je te dirais. Non? Mathieu Bédène, ta parouette. Je pensais pas vivre ça le matin, moi, là. C'est un peu insultant, là. Mais en même temps, tellement... Moi, ça me donnerait du pep, le gars. Ouais, c'est ça. De bien. Mmh. Hein, on va claquer les doigts à la place. Hein. Attends, oui, moi, à place de claquer des doigts, je vais donner des pichinottes à Bédène, tu sais. Je m'habite pas à la nouvelle intro. Ou belle nouvelle. OK, attention, on y va. François ne participe pas, je trouve. C'est pas ta Bédène non plus. Ça va bien. Ben, va bien. Et vous? Très bien, merci. Popé. Popé. À part les insultes envers mon physique, ça va très bien. Hey, c'était pas des insultes. Non, mais non. Arrête. Ben non. Donc, Jasmine, aujourd'hui, tu nous parles d'un groupe qui est quand même récent dans ta mémoire. Eh hey, ben oui, parce que hier soir, je suis allée au Mardi de la Relève, au Gambrinus, fantastique concours qui a lieu à chaque année avec, évidemment, des groupes de la Relève. Et hier, c'est le mardi aussi, donc tous les mots sont véridiques. Ce serait hot que ce soit comme des vieux groupes qui jouent un jeudi. En tout cas, donc, c'est ça, j'étais au Mardi de la Relève et il y a un des groupes qui a joué qui s'appelle Adam Strangler. C'est un groupe de Montréal tout récent. Les gars sont ensemble depuis comme septembre, je pense. Puis, en tout cas, ça sonnait pas comme de la Relève, honnêtement. Ils sont vraiment... professionnels. Ben quand même, je pense que les gars ont toute l'expérience quand même dans différents groupes qu'on a pu voir aussi au Mardi de la Relève dans les précédentes années. Et ben il n'y a pas grand-chose à dire étant donné qu'ils sont quand même nouveaux. Là. Ouais. Donc, ils ont un EP sorti que je me suis procuré hier. Puis, sur place, en fait, qu'ils m'ont gentiment donné. Puis... ben en fait, vous allez voir, les chansons sont hyper catchy. Là, ça reste dans la tête super gros. Hier, j'ai écouté ça dans ma voiture en revenant. Puis, je me suis empressée d'importer ça dans mon ordinateur ce matin. Ton iTunes. Ouais, iTunes. C'est ça, iTunes. C'est des Espagnols qui disent ça. Ouais. iTunes. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment excellent. Bon, écoute voilà, ça. Donc, nous écouterons trois pièces en commençant par Shallows. Tout de suite dans les consignes de Jasmine. Tout de suite. We don't need to be happy anyway. You're there to be sore, and nothing will break your heart. We don't think that it's fair, giving you a lifetime of tries. I don't see you being nice. We don't need to be happy, feeling like you have to see more than anyone to be someone. I don't think that it's fair, giving you a lifetime of tries. I don't see your pretty side. Call me a fool. I'm not the one who needs attention all the time. Call me a fool. I'm not the one who talks and brave things no one cares about. I don't think you'll be happy. Ouais, donc on vient d'entendre le groupe Adam Strangler qui était au Mardi de la Relève hier soir avec la pièce Shallows, et nous enchaînerons immédiatement avec une autre pièce finalement qui s'appelle le Portrait of a Lady. Et c'est toujours dans les comptines de Jasmine. Oui. Assemblage. Deuxième comptine. Oh là là là là là. Yeah. mine, she's so fine. Met a girl and she's so fine, she's so fine. Met a girl and she's so fine, she's so fine. Met a girl, she's so fine, she's so fine, she's so fine. I met a girl, she's so fine, she's so fine. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. I'll be dead quiet if you sleep. Donc, on vient d'entendre la troisième et dernière pièce que j'avais à vous présenter dans le cadre de mes comptines. C'était Nip and Love de Adam Strangler. Pour vrai, c'est un groupe à surveiller, là, je crois, qui s'en va en demi-finale pour le concours des mardis de la relève. Donc, c'est à suivre. La pièce Nip and Love qu'on vient d'entendre me fait penser à Pékin Love. De c'est de qui déjà qui chante ça? Xavier Caffine. Ouais, avec la même petite mélodie. Ouais. Inspiration. Ouais. Donc, très bon choix. J'aime ça. On leur souhaite bien du succès dans ces mardis de la relève. Oui. Oui. C'est ça. C'est tout. Merci, Jasmine. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mercredi 7h30. Oui. Bon. Petite comptine. T'as l'air fâché, petite comptine. Ouais, je vous en veux encore pour vos commentaires en début de chronique. Mais bon, pas grave. Tantôt, on reçoit Anne-Julie Durocher pour sa chronique sur la GEQTR. Ça s'en vient dans quelques minutes à peine. Pour l'instant, on va l'entendre Mauve, que je sais que Jasmine adore, et à chaque fois que Jasmine vient, on lui fait jouer du Mauve. Mais c'est comme ça, on aime ça. J'ai la chanson Chérie, écoute-moi dans la tête depuis des jours parce qu'elle est sur le palmarès, donc la voici. Dans la lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi, je sais que tout finira par s'arranger. Bon, écoute-moi, ma we'll dans ses petits hommes jaunes, batteur en la mesure à la baguette. Oui, la vengeance, elle sera terrible. Elle sera comme un poisson servi froid. Elle sera nocive et douce comme une bouffée d'opium. Tout dans les poumons, rien dans l'estomac. Débarrassez-nous de l'aigle à tête blanche. Débarrassez-nous de Jésus-Christ. Ramenez-nous à l'année 4703. Question de te fucker les orteils. Elle a la petite musique japonaise de Xavier Caféine avec Pékin Love à Assemblage Requis. Il est 8h, presque moins de minutes. Moins de minutes. À Assemblage Requis, on se revient, on se retrouve tantôt avec plus de choses, plus de pep, plus de plaisir, plus de François Marchand, Mathieu Plante. Anne-Julie qui va être là, du Rocher, de la GEQTR, elle s'en vient. Est-ce que tu veux dire bonjour? Bonjour. Mais bonjour. Ouais. Bonjour. Bien. Oui, super. Toi? Si je te demande d'annoncer ce qui s'en vient, est-ce que tu vas me dire, ben, on va parler d'une activité de la GE, là, super floue et vague? Mais je vais vous dire de rester en onde parce qu'il va y avoir un scoop. Oh! Scoop! Oh! Vous m'aviez demandé un scoop au début. Je vais vous le donner aujourd'hui. C'est là qu'on l'a. Oh, c'est excitant. On revient dans tôt. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. De retour à Assemblage Requis, c'est la deuxième heure en ce mercredi 11 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. François-Olivier, bonjour. Ça va bien? Mon nom. Angélie Durocher qui est en studio avec nous. Ben oui. Bon matin bon à toi. Bon matin. Là, on va mettre quelque chose au clair. Là. Ouais, ça va bien pour commencer? Oui. OK. Répète ce que tu m'as dit encore une fois en ronde aujourd'hui, encore une fois. Vous manquez de pep, les garçons, il va falloir que j'achète du chocolat. C'est ça. Du chocolat, hey, j'en ai. C'est pas de refus du chocolat. J'en ai, oh, ouais, j'en ai liquide. J'aurais dû y penser. En plus, j'ai eu plein de chocolat à Pâques. Pour vrai? Puis j'ai eu du chocolat noir, mais j'aime pas ça. Ah, pour vrai? J'aurais pu vous la. En plus, c'est du Lindt. Tu sais, les petits lapins en or, là. Du gros luxe, là. Ouais, j'aurais pu l'amener, puis après ça, manger le mien dans ma face. Ouais. J'ai une expérience vécue. Ouais. Bon. Ouais, le chocolat, mais elle mange. Mais t'étais là, Mathieu. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Mm. Voleuse! Oui. Mais ça, je suis pas sûr que mettre du chocolat dans notre corps nous rendrait pépé pour la chronique de Jasmine. Mais elle est bonne, sa chronique, mais tu sais, le pep. Je vais arriver plus tôt. C'est ça. Mais quand j'aurai pas besoin de marcher pour me rendre à l'université. OK. Quand ils vont inventer le non, c'est plus quand je vais avoir ma voiture. Ah, t'as pas ta voiture? Mais je l'avais pas. Okay. Elle était restée à l'université. Mais ok, ouais, c'est ça que j'ai vu un matin. Les j'ai dit, t'as vu hier, c'est ce que ça veut dire? T'as vu hier. Moi. Bon, c'est ça. Moi, c'est ça. On dit les vraies affaires. Là. Ou soit qu'il était très, très matinal ce matin. Alors, j'avais le goût de faire du jogging ou je sais pas quoi. Ok. Bon, le pep est revenu. C'est bon? Oui, va? Tout va bien. On parle de la GQTR. On chante un peu. Aidez-moi. Attention, faites les choristes en arrière si vous voulez tout le long. Okay? AGQTR, AGQTR, AGEQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Bah, il y a un petit pro, pro. Comment? Pro, pro. Pro, ouais. D'accord. Ouais. Comment rendu bon? Ah, je peux en faire à journée longue, s'il vous plaît. Il est tout à pareil, par contre. Pas pro, nécessaire. Ah, ah. On va parler des activités qui s'arrêtent. Tes activités. Ouais, c'est ça, j'allais dire, mais c'est pas moi, c'est pas mes activités. Okay. Écoute, grosse journée aujourd'hui, hein? Ben parce oui. que invité de taille. Ouais. Je sais pas s'il est très grand. Je pense pas, en fait. J'ai pas d'informations là-dessus. Mais je te laisse dévoiler son nom. Invité qui m'est. Mais c'est pas ça le scoop, hein? Non. Ah. Mais c'est quand même cool, je trouve. Ouais. Ouais. C'est un gros nom. C'est midi à la chaise galerie. Il va voir Monsieur Denis Coderre. Oh! Denis Coderre, tabarouette. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est un député libéral, fédéral. Exactement. Et très, très impliqué dans sa communauté. Il serre les mains pratiquement à tout le monde. Je l'ai vu au franc-tireur. Puis le gars, il est complètement... Là, il abuse, on dirait. Tu sais, il tire la main, c'est pas grave. Puis il touche. Puis t'es comme son grand chumé. Puis il est tout le temps sur Il doit avoir beaucoup Facebook, de purée. Hein? Ah, je sais pas, non. Il est... En tout cas, je sais pas, mais il est tout le temps sur Facebook, Twitter. Il avait souhaité d'ailleurs bonne fête à M. Landry. Il répond aux gens pendant ouais. Oh, tout à fait, ouais. Tout à fait. Il s'implique et il est là, là. Ben oui. Fait que tu vas venir le voir ce midi? Je pense que oui. Avec plein d'autres étudiants qui vont être présents à la chaise galerie. Moi, je veux juste serrer la main. Une fois qu'il me serre la main, écoute, je vais peut-être pas le voir. Mais tu peux écouter aussi qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Ça peut être intéressant. Là. Ouais. Je te le conseille. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est son implication, moi. C'est il va vers toi. Tu sais, il va vers les gens, c'est remarquable. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, il avait été vu comme candidat à la mairie là, potentiel de Montréal, évidemment. Ouais. Là. Donc, je sais pas. Et puis, je sais pas. Écoute, tu iras lui poser des questions parce que bien sûr, vous allez pouvoir lui poser des questions. Okay. C'est l'idée d'une tribune libre, hein? Ça s'appelle ça. Tribune libre. C'est ça. Fait que venez poser des questions. Ah, c'est cool. Autre chose aujourd'hui, mais c'est pas la GE, mais je pense que c'est important de le préciser, de le rappeler. C'est les 48 heures multiculturelles. Oui, exactement. D'ailleurs, Babacar Diem vient nous en parler vers 9h moins 40. Ah, bon, je vais le laisser vous en parler. J'avais peur que. Ben, tu peux en glisser un bout quand même. Ouais. Mais je pense que ça vaut la peine que tout le monde y aille. C'est à la cafétéria. Ben, la petite. L'ancien fumoir, en fait, annexé à la cafétéria. À côté du Starbucks, etc. Ouais, à côté du Salon Rouge, je crois qu'il appelle ça. Ouais. En tout cas, entre l'endroit où est-ce que tu fais réchauffer ton repas dans le micro-ondes puis le petit salon. OK. Cet endroit-là. Bref. Fait que, allez-y, c'est quoi? C'est un fumoir? Mais c'est un ancien fumoir. Oh. C'était, tu sais, les trucs vitrés là, que t'avais avant. Ah, ouais. Mais le bistrot urbain et tout. Là. Ouais. Mais c'est juste à côté. C'est beaucoup moins intéressant que le 48 heures multiculturel. Bon, tout fait de savoir que c'est un ancien fumoir. Vraiment. Fait que je vous conseille d'y aller. Sinon, c'est sûr que les actions de mobilisation continuent sur le campus. C'est ça, ça bouge quand même beaucoup. Presque 2000 étudiants en grève. Oui, c'est ça, on est rendu à 1800. C'est proche de 2000, pas mal. C'est ça. Qui se sont rajoutés dernièrement, là? Je pense que quand je suis venue la semaine dernière, Histoire était déjà en grève ou il allait tomber en... Histoire était déjà en grève. Donc, géographie l'a reconduite. OK. Puis... Ça rajoute pas de membres, là. Ça fait juste poursuivre. Non, c'est continu. Ils ont voté, dans le fond, la grève jusqu'au 1er mai, hier. OK. Puis, dans le fond, je pense que de ceux qui se sont rajoutés, il y a Or et Bioéco. OK. C'est ça. OK. Ah, crime, c'est cool. Mais c'est ça. Fait qu'on est rendu à presque 1800. Pas mal, en fait. C'est pas mal. Quand même, c'est... Est-ce qu'il y a des actions qui sont posées avec toutes les associations ensemble ou c'est vraiment par département, eux autres... bon, tu sais, évidemment, on a vu l'action des sages-femmes. À chaque jour. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est sûr que les associations se parlent, se rencontrent vraiment fréquemment pour discuter ensemble des actions à venir. Puis je dirais que chacun, de leur côté, a un peu un plan d'action, des actions qu'ils veulent... Mais il faut aussi qu'ils fassent respecter leur grève chacun. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes plages horaires de libre, les mêmes temps. Mais c'est ça, quand ils peuvent, chacun participe aux actions de l'autre. Hier, il y avait la marche funèbre. Nuptiale. Nuptiale, c'est un mariage. Mais bon, marche funèbre qui est partie du Michel Sarrazin jusqu'au Pierre Boucher. Puis dans le fond, c'était pour démontrer la mort de la démocratie à l'UQTR. Suite à l'abolition d'un article permettant aux étudiants de revoir les plans de cours aux deux tiers, dans le fond, puis là, laissant la liberté aux professeurs de choisir qu'est-ce qu'ils voulaient faire un peu. Attends un peu, OK. Ouais, là, t'es perdu. Hein, ouais, non, c'est ça. C'est pas clair. Hein? Ben, réexplique ça juste pour être sûr, parce qu'évidemment, quand les gens ont parlé de démocratie, bon, là, en fait, là, plusieurs personnes en sont venues à l'idée que c'était le vote qu'avait... qui avait décidé de terminer la grève. Non, c'est pas ça. C'était pas pour ça. Non, c'est ça, mais les gens pensent ça, là, souvent. Là. OK, mais non, mais c'est pas pour ça. C'était, en fait, c'est ça, parce que... dans le fond, moi, je vais y aller. Ben ouais, tu... Il y avait un article... Il y avait un article dans les trucs d'école, là. On cherche mes mots, ma fait. Les statuts règlements généraux, non? Non, c'est... Ben, tu sais, c'est pas grave, là. Avant, ils ont enlevé... L'article 6.1. Okay. 6.6.1. Okay. Puis cet article-là permettait aux étudiants de étudiants et professeurs de négocier ensemble aux deux tiers d'une classe pour modifier le plan de cours. Okay. Cet article-là a été suspendu étant donné la grève. Donc le professeur n'est plus tenu obligé de négocier avec la classe pour changer le plan de cours aux deux tiers. Ben, voire même n'est plus... doit pas négocier? Non, ben, c'est fortement encouragé de la part de l'administration, de l'UQTR et des différents on veut pas que les étudiants non plus soient super frustrés de qu'est-ce qui se passe. Ils sont encouragés à discuter. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, un professeur peut prendre une décision unilatéralement. Je donne mon cours, j'ai un examen, ceux qui sont pas là... C'est ça. Vont échouer. Puis, il n'y a pas de modification type d'examen. Il n'y a pas de... Tu sais, il peut décider qu'est-ce qu'il veut, en fait. Ouais, le travail de session reste le même ou... C'est ça. Puis, imposer sans qu'il y ait de discussion dans la classe, c'est un peu qu'est-ce que les étudiants déplorent. Mais... OK. Mais l'administration suggère fortement aux professeurs de négocier. Oui. OK. C'est quand même cool. Oh, oui. Parce que sinon, ça aurait... On a une certaine ouverture, je pense, de l'administration, non? Est-ce que vous dites ça comme ça? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on peut voir ça comme ça, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour faciliter, en fait, pour que les étudiants puissent faire respecter le mandat de grève, parce que c'est pas facile. Non, c'est... Dépendamment des programmes, là, c'est pas toujours super évident. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'en fait, nous, où sont plus bloqués, c'est en haut. C'est vraiment le côté politique. De la chose. Mais c'est sûr qu'il y a tout un enjeu politique qui tourne autour de ça, là. On peut pas se le cacher, là. Ils peuvent pas. Parce qu'eux autres doivent rendre des comptes aussi. Mais c'est ça, ils doivent des comptes au ministère, là. Ouais, ils sont directement reliés, donc. Et leur financement, ça vient de là, donc. C'est ça. Ils peuvent pas faire qu'est-ce qu'ils veulent, peu importe. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Ouais, c'est ça, exact. Mais aussi, il y a demain un autre événement plus gros, on peut dire que les. Plus big! Ouais! On va espérer que ça soit plus gros. Okay. C'est une marche qui va commencer à la bibliothèque ici, de l'UQTR. Ici, en dedans. Ouais. Ça commence en dedans. En bibliothèque. Dedans, la bibliothèque. Habillé en rouge. Habillé en rouge. Ouais. Un petit morceau de linge ou de la tête aux pieds en rouge. Comme avec tu des le beaux... sens. Sous-vêtements, François, toi? Sous-vêtements rouges, j'en ai pas. Non? Ah, ben, va t'en acheter. Ouais, il faudrait. Et tu les portes par-dessus tes pantalons comme un super-héros. Ouais! Mais tu sais, souvent, en fait, là. Oh, On dévie, ouais. Hein? Non, je voulais faire une confidence. Mais... Ouais. La vraie... On va rester dans le sujet de la mobilisation étudiante. Donc... c'est mieux, c'est mieux. Oui, oui. Okay. Donc, demain, il va y avoir une marche. Ça commence à quelle heure, ça? Attendez, je vais regarder. 11h15. OK, à partir de 11h15, en fait, ben, on invite sûrement les gens à se présenter vers 11h. Oui. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est d'aller à la bibliothèque vêtu de noir ou de rouge. Puis, pendant 45 minutes, donc jusqu'à midi, le monde va étudier en silence dans la bibliothèque. Avec leur truc pour étudier, leur là. Puis leur habillement. C'est ça, vos posters de study in. C'est comme un sit-in, mais où on étudie. Ouais, mais ça, c'est pas la GE qui organise ça, là. C'est une association, je pense que c'est Psycho. Qui invite d'ailleurs les doc, associations. Ouais, c'est ça, c'est le doc en Psycho. Et les étudiants, même s'ils sont pas en grève, s'ils sont. Mais oui, en c'est faveur. Ça. Si t'as le temps, si t'as pas de cours, viens faire un cours. Ouais, ou tu désires t'impliquer, là, en fait. N'importe qui peut venir. Puis, à midi, on quitte la bibliothèque de l'UQTR. Pour se rendre... La bibliothèque ici au centre-ville à Trois-Rivières. Hey, t'es au courant? Ben, non, mais en même temps, des bibliothèques, il n'y en a pas tant que ça. Là. Ouais. Okay. Vu de même, hein? Ouais. Il y en a une au CAP. C'est un peu loin, ouais, tu trouves. Bon, ben bref, si on fait une marche, on va faire aussi un arrêt devant le bureau de... Daniel Saint-Amand. C'est ça. On va étudier là un petit bout de temps. Ouais, dépendamment de la température, okay. Aussi, là. Si... Okay, ben, il annonce beau, je pense. Ben, je pense que oui. Je pense que c'était juste aujourd'hui, une petite journée, ouais, massade. De mon début, j'avais vu comme... En tout cas, peu importe, on parlera pas de la météo. Là. Je trouve que ça a comme plus rapport. C'est bien, il y a vraiment beaucoup d'autocensure aujourd'hui, j'aime ça. On se contrôle. Je veux pas parler de mes sous-vêtements, je veux pas parler de... Ouais, c'est... Non, mais en fait, je voulais en parler, mais c'est vous autres. À la fin de la chronique. Non, ouais. Non. C'est ça. Fait que, bref, c'est ça, on va marcher après ça jusqu'à la bibliothèque pour aller étudier un autre 45 minutes. Okay. Retourner. Puis, dimanche... Réservez votre journée. Dimanche, oui. Dimanche. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? On va voir. L'église. Non, je sais pas, ça a été. Jour du Seigneur. Non. Non. Il va y avoir une autre marche, une autre manifestation. Okay. C'est une manifestation familiale, citoyenne. Donc, on invite vraiment tout le monde de Trois-Rivières, de la région de la Mauricie, à venir avec nous marcher dans les rues de Trois-Rivières. C'est sûr qu'on va. Que c'est contre la hausse des droits de scolarité, mais c'est aussi. Pour montrer au gouvernement... Arrêtez, nous. C'est ça, qu'on est contre, en fait, les politiques puis le gouvernement libéral et c'est justement, ces politiques et c'est comment qu'il agit, en fait. Et ça, en fait, on peut s'approprier la cause dans le sens si on est contre Harper, j'imagine, on peut y aller quand même. Ben, ouais. Moi, j'aurais pas de problème avec ça. Non, c'est mais, ça. Mais, tu sais... Je pense pas qu'il y ait des gens qui... Mais, tu sais, je veux dire, vous êtes contre les gaz de schiste, contre le nucléaire, contre... Venez, nous autres, qu'est-ce qu'on veut? Contre l'abolition du registre des armes à feu. Ouais, mais ça, c'est comme un autre... C'est fédéral. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Faut juste... Comme pas mélanger les paliers, mais ça peut être une bonne cause aussi. Ben, c'est en ça, gros, je veux dire. En fait, je pense que les gens vont se retrouver quand même là-dedans. C'est ça, en fait. Moi, je me trompe. Ça peut être. C'est ça, bref. C'est sûr que c'est une manifestation pacifique, là. Il y aura pas de briques, amenez pas de briques. Non, amenez pas de briques. je veux dire, c'est ça. Je pense que ça va bien se passer. On peut faire des pancartes quand même. Ben oui, ben faites-vous oui, des pancartes. Ça commence à 13h. OK. Du parking du truc de l'expo, stade? Là. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas comment vous l'appelez, en fait. Le parc d'exposition. Parc de l'exposition. On part de là. Ça commence à 13h, mais arrivez comme plus tôt, vers midi. Y'a-tu hot dog? Y'a-tu de quoi? Y'a pas d'hot dog, ouais. Mais tu promenais avec ton petit garçon. Ouais. Puis on a des ateliers de bricolage et de maquillage pour les enfants. Ah ouais, pour rien? Mais ouais. Okay. Fait qu'il va avoir ça, il va avoir des amuseurs publics. Puis tout ça. Oh, oui. Donc, il y a différentes. Fait que je vous invite à arriver comme plus tôt. Vers midi? Ben, oui. C'est toi qui maquille ou? Non, c'est pas moi. J'ai pas de talent là-dedans. Non? Arrête de te rabaisser. Ouais. Mais ça va être. Je pense que ça va être une belle manifestation. Je sais pas s'il annonce beau, mais. On parlera pas de la météo, là. Ouais, puis même s'il annonce de quoi, c'est rarement vrai. Mais... Oh, ouais, c'est ça, exactement. Mais venez quand même, beau, ben, pas oui, beau. Ben venez. Oui, ben oui. Beau, pas beau, ça se déroule, même si. Ça se déroule, ouais. Oui. Ouais. Venez marcher dans les rues avec nous, puis... Mais ça, c'est quoi le trajet? Vous partez, j'imagine, vous dirigez vers le centre-ville? Ben, j'aurais pu te le dire, mais mon ordinateur n'a plus de batterie. Oh, il est mort. Donc, ouais, il était mal plugué, fait que je ne peux pas te le dire. Il est fermé complètement? Ouais, ouais. Mais, me le dire, François-Olivier, tu peux aller sur Facebook. C'est un aussi bon PC qu'Anne Julie, donc ça va sûrement être très rapide. Ouais, c'est ça. On a encore une demi-heure, de toute façon, dans l'émission, 45 minutes pour en parler. Mais ouais, mais je peux vous parler d'autres choses. Oui, vas-y. Mais De météo? Oui. Météo. Mais non, mais bref, si vous voulez le trajet, là, parce que bon, ça va être vraiment long et plate d'attendre d'avoir le trajet, mais allez voir sur la page Facebook, dans le fond, de l'événement. Comment ça s'appelle, ça? C'est Manifestation familiale. Manifestation régionale familiale à Trois-Rivières. Hey, t'es tombé dessus. Jusqu'au centre-ville. Fais afficher la suite, ouais. Ça va aller plus vite. La marche débute à 13h. Donc, tu précises. Marcher sur la rue des Forges, direction sud. Exactement, ouais. Notre-Dame, après ça, ça va devenir La Violette. Puis, c'est un peu plate de vous entendre lire ça. Gauche sur Heart. Droite sur Bonaventure, gauche sur Royal. C'est plate rare, oui, t'as raison. Mais ça va être une belle manif. La manif ne sera pas plate. Ben non, c'est ça l'affaire, là. C'est juste qu'on n'est pas un GPS, nous autres. Non, c'est ça. On peut imiter la petite voix de fille. Tournez à droite. Hein? Puis tout est écrit, hein, d'ailleurs. Faut tourner sur la rue Royale pour stationner le camion de tête. Ouais, j'ai sauté quelques détails, excuse-moi. Mais c'est sur la page Facebook, vous allez avoir toutes les informations. Même si vous venez de loin, venez. Okay. Nous voir. Puis je pense que c'est ça. Ça vaut la peine de montrer. On parle beaucoup justement d'un printemps québécois et tout ça. Là. Printemps érable. Printemps érable. C'était écœurant comme jeu de mots, ça. Printemps érable. Printemps érable. C'était bon, hein, là-dessus. Miam. On saute vraiment du coq à l'âne aujourd'hui. C'est l'envers. C'est hein? ce qu'on appelle avoir du. Pep. Et voilà. Yeah! C'est convaincant qu'on va dire de même. On a du pep. On a du pep. Nous autres, on a du pep. Mais je vais vous donner, je vais vous dire d'abord le scoop. Ça va vraiment vous donner du pep. Oui, on l'avait oublié. Voyons donc. Roy Dupuis. Roy Dupuis, que ça vient. Ça serait le fun. Mais non, c'est pas ça. Malheureusement, je suis désolé. Tu te fais teindre les cheveux? Non plus. Non plus, OK. Non plus. C'est comme plus fun que ça. C'est pour le party de fin d'année. Oh! On a trouvé les bands pour le party de fin d'année. Je sais pas comment on procède, on fait-tu comme écouter le petit extrait? On écoute ça? Ok, on va écouter un petit extrait du groupe qui va être là au party de fin d'année. Le groupe qui va faire le party de fin d'année le 1er mai, c'est Doub Kereka. C'est un groupe de la région de Trois-Rivières. Puis, dans le fond, la formule, c'est il va avoir deux sets de 45 minutes. Okay. Un pendant l'heure du souper, parce que, bon, sûrement que plusieurs d'entre vous le savez déjà, il y a tout le temps le barbecue d'ITR, dans le fond, de l'association d'ingénierie, la dernière journée d'école qui a lieu. Près du 10-12 et tout ça, qui font... Ils font des hot dogs, Ils font des activités, puis tout ça, puis c'est bien agréable. Puis, c'est ça, fait qu'on veut que le monde reste, dans le fond, après cette activité-là pour le spectacle de fin d'année. Donc, ils vont venir faire des percussions pendant à peu près 45 minutes, un peu comme qu'est-ce que vous entendez présentement. Sauf qu'ils arrêteront pas de jouer à chaque 15 secondes pendant une demi-seconde, comme... puis leur recommencer. Ils vont jouer tout le temps. Ouais, tout le temps. Ça va sonner mieux. C'est ça. Bref, ça va être très bon. Ça va se dérouler où? Au 10-12? Ça va se dérouler au 10-12, en effet. Okay. Ça devrait être vers 18h30 la semaine prochaine. Je vais vous confirmer les heures parce que c'est une nouvelle toute chaude. Là, qu'est-ce que je vous dis là? C'est un scoop! C'est vraiment un scoop! Ça a été confirmé officiellement hier. Génial. Okay, c'est vraiment... Tigidou. C'est ça. Tigidoum. Doum Karaka. Ouais, beau jeu de mots. J'essayais, mais j'ai pas réussi. Non, hein. Puis après ça, il va y avoir un deuxième set de 45 minutes vers 21h30. Puis dans le fond, ça va être ce groupe-là avec d'autres artistes invités qui vont venir, dans le fond, chanter, faire des reprises de chansons connues. Real Big Fish, Sublime et des trucs comme ça. Là. Oh, Ça risque d'être bien intéressant. La musique de party, là. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, on a deux DJ qui vont être là pour C'est qui? On veut un scoop. Ben, c'est nos DJ habituels, mais ils sont super bons. Okay. DJ Tremens, puis DJ Cathardy. Ah, okay. Tu connais ça, DJ Cathardy, François? Okay. C'est ça. Mais c'est ça. Elle vient animer les palmarès. Mais je sais. Avec Mathieu Plante. Il y a des contacts à Mathieu Plante. Hey. Pas pire. Hein. Tu pourrais poser des questions sur le party de fin d'année. OK. Genre pour la surprendre. Oh. Puis, bien, c'est ça. Ça va ressembler à ça pour l'instant. S'il y a d'autres... Good. gros scoop, je viendrai vous les... Ben, je vais vous les dire. Je vais vous confirmer toutes les heures, tout ça, mais que ça soit tout officiel. Parfait. Si la semaine prochaine, en fait, là, tout devrait... Oui, oui, c'est ça. J'espère que la semaine prochaine, tout va être officiel. Sinon, je vais commencer à stresser. Génial. Voilà. Merci. Donc là, est-ce que vous avez du pep? Ouais, quand même, tu me donnerais, mettons, une cote de 1 sur pep, là. De 1 à pep. Okay. Mais tantôt, vous deviez être peut-être à moins 5. Moins 5 pip, là, vous devez être à peut-être 6. Et que t'es sévère, là. Mais pip, c'est comme 10. Fait que 6, je sais bien. Ça, c'est quand même une augmentation de plus 11. Ça part de moins 5 à 6. Qu'est-ce qu'il faut pour lever le niveau de pep pour toi dans cette émission-là? C'est quoi qu'on raconte des jokes de pet? C'est quoi? Yay! Oui, Mathieu, je pense qu'il est rendu à 9. OK. Ça, c'est 10. Bon, voilà. Bon. OK. Mais faux, il diminue. Ah non, écoute. Je pensais pas être géré de même, moi, par... par Anne-Julie de la GE, écoutez. Hein. Celle qui gère Pikiman. Oh, Germaine! C'est notre Germaine de l'émission. La Germaine! La Germaine! La Germaine! Ah, j'ai une belle chanson, hein? Ouais, ben tu peux mettre ton intro de la semaine prochaine. C'est ça. Oh, il va y avoir des petits changements. Ah, non, ça mais... on va te mettre du pep là-dedans. Oh, mais je suis comme contente, là. Je vais partir avec le sourire. Ben oui. Youpi. Parce qu'il a fallu que je marche ce matin. Tu... Donc, là, ouais. Ça m'a redonné le sourire. Mais là, t'avais pas mal à la tête, là, ce matin. Là. Ben, j'ai un Gatorade. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est pas un café. Hein, c'est... Non, on a changé un matin. Hier, qu'est-ce qu'il y avait? C'est karaoké, hein, le mardi à la chasse galerie. Ouais, c'est ça. Suis l'agenda d'Anne-Julie. J'étais pas ici, mais oui, le mardi. Ah, t'étais pas ici? Non. Ah, ok, ok. Ouais, pensais que t'étais. Parce que. Okay. Bon, je veux savoir t'étais où. Ben non. Ben... OK. Tu vas dire t'étais où si François nous raconte son histoire de sous-vêtements tantôt. Non. Sous-vêtements rouges. Non, OK. Bon, écoute, on s'en pas t'étais où hier. Dis-moi. Souvenir à mitraille. Merci, Anne-Julie. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Ma solitude est infinie. Plus je pense me rapprocher, plus je m'éloigne. Comme une course sans fin au bord d'un ravin. Sentir ta main dans ma main. Des saisons à mesurer ton départ en tira des millions d'années. Je pense à toi mille fois par jour, mille fois sans toi. si belle. Je ne sais plus où je vais, but you know where I go. Je ne sais plus où je vais, but you know where I go. Where I go. Retour à la chronique Graines de pivot avec David Ferron. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Le plan de demain à assemblage requis. Simon Fitzbier expose un autre sujet dans sa chronique Phénomène. On discute de politique avec François Landry dans Logocratie 101. Et on trouve des solutions à vos problèmes dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est demain matin dès 7h. À son âge requis sur C'est fou, soyez-y. Bande de vous en. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. Hein, je leur ai dit bande de vous autres, je leur ai dit ça, moi. Ils disent bande de vous autres. Dans leur face. Ça, sont, ça, sont des vous autres. Toi, moi, nous autres, c'est nous autres, puis tout, pis c'est watatata. Oh. Comme là. Bon, David Ferron qui vient d'arriver. Bon matin, David. Bon matin, David. Comment ça va? Ben, très bien, merci, vous. J'ai ouvert tous les micros sauf ceux-là. Ouais. Là, ça va aller mieux. Ça va. Donc, ça va bien? Un, deux. Oh, testing 1-2. Ah, j'ai compté jusqu'à 2. Bravo. Merci. C'est un bon début. Un pas à la fois, hein. Ça, ouais. Ça s'en vient. Puis l'autre numéro, je sais pas, je m'en rappelle jamais. Non, je pense qu'il ressemble à une paire de fesses sur le côté. Donc, David Ferron, on va t'accueillir avec ton intro super classe, là. Voici ta superbe chronique. Tu vas voir, tu me diras à la fin ce que t'en penses. C'est graines de pivot. Ouh. c'est tendre. Ah, David, bon matin. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est pas... C'est tendre comme François. C'est tendre. C'est très tendre. Ben, au moins... C'est chaud. C'est comme un chiffre 3. Mais... C'est chaud. Hein? Fait que la musique... Imagine le foyer. Dit absolument rien, c'est ça? Non, absolument rien. Mais c'est pour faire référence au nom de ta chronique, qui est Graine de Pivot. OK. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Graine de Pivot, déjà? Ben, c'est en hommage à Bernard Pivot, qui est un animateur qui a animé plusieurs émissions sur la culture française. Et mon émission va porter sur la culture francophone. Et voilà. Et Bernard Pivot a animé, entre autres, Bouillon de culture. Et c'est l'intro qu'on t'a piqué... comme c'est, ça, subtilement. Donc, ben, Kétin, comme intro. Ça fait années 80, hein? Oh, oui, tout à fait. Ben, vieux merci, au moins, c'est pas une toune de Mélan Colin. Vieux merci. Une chance. Ah, ou du chiptune, hein? Ouais, il y a une chance. Mais non, ça aurait été bien, ça. Du chiptune, ouais, t'as vu ça? Jeu vidéo, hein? Ah ouais? Ben, ça dépend, là. Moi, ouais, qu'est-ce que t'en penses, François? Écoute, ben, je suis touché et surtout ému de savoir que c'est ta dernière chronique à l'Assemblage Requis. François, t'es tout rouge tout d'un coup, pourquoi? Ah, il fait sa chaud, chemise, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Ça. La boucane qui sort de ses oreilles aussi. Ouf, tiens, j'enlève une couche. À 2,81. Oh, Caroline. donc, t'as vu, c'est ça, ton intro est très, très Kétin Kitsch, ce qu'on aime beaucoup, mais en plus, t'as un beau petit jazz funk. Oui. Bon. Donc, assez parlé des choses qui se passent derrière nous parce que tu as un sujet à amener au premier plan, c'est les élections en Belgique. Oui, en fait, juste une petite précision, il n'y a aucune élection qui se passe présentement en Belgique. OK, donc ta chronique n'a pas lieu, c'est ça? Ça... Non, essayez pas de vous débarrasser de moi. Oups, ça n'a pas marché, que voulez-vous? Bien. On aurait essayé. Mais en fait, je vous parle plutôt du processus des élections parce que les prochaines élections nationales vont avoir lieu plutôt en 2014. Faut leur donner une petite pause aux Belges. Ils en ont assez bavé au cours des dernières années au niveau politique. Donc, okay. Faut leur laisser le temps de manger des crêpes. Oui. Des gaufres. Gaufres belges, je pense. Oui, c'est tellement bon. Mm-hmm. J'ai faim. Moi aussi. J'ai mangé des bines le matin. OK. L'odeur. C'est ça, c'est l'odeur. Je pourrais parler de... Il aurait pu avoir Xavier qui nous accompagne avec du thé, des crêpes avec du thé. Ça aurait été bon. J'avoue, on pourrait se faire un petit party de fin de session fourni par David Stee. Ouais. C'est une bonne tout lui qui se tape la job. OK, donc David, ton sujet, revenons-y. Ouais. Arrêtons de dérailler ta chronique. Là. OK, je pourrais parler de train de crêpes tant qu'à dérailler. C'est assez. Oh, ou de c'est poisson. Tasse. Hein? C'est tasse, comme tasse de thé. C'est assez. Ah, tu vois, moi, j'irais plus côté poisson avec des cétacés. OK. Mais bon. Très dicton, c'est assez de chasser, c'est assez. Et que c'est pas ça. Hey, 6 degrés de platitude à matin. D'ailleurs, il y a 6 degrés qui passent ce oui, soir. Oui, c'est ça, à 17h. Bon, faut parler de la Belgique. Oui, excusez-moi. Donc, la Belgique, comment ça fonctionne? C'est que la Belgique, nous, quand on va voter, on n'est pas obligé d'aller voter. Non, premièrement, c'est tous ceux qui veulent y aller. Les taux de participation d'habitude dans les coins de, quoi, François, 60%, en bas de 60% d'habitude? À peu près, 60. Oui. Oui, en fait, il n'y a pas personne qui est venu vous dire « Allez voter, sinon je vous casse les deux jambes ». Non. En Belgique, c'est la même chose. Il n'y a pas personne qui va venir chez vous pour vous casser les deux jambes. Mais par contre, il y a une loi qui vous oblige à y aller. Et si tu n'y vas pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Légalement, qu'est-ce qui se pose d'arriver? C'est que d'abord, tu as une amende qui commence à 25 $ et là, ça peut monter jusqu'à 100-125 $. Et là, oui. Ah ça... ouais? Mais comment ça monterait? C'est si tu continues de pas y aller la prochaine fois? Ou... Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu es obligé de payer l'amende. Sauf qu'on te fera jamais emprisonner, mais normalement, on monte l'amende. Mais si au bout de 4 fois en 15 ans, t'es pas venu, là, tu es privé d'élection. Tu ne peux plus aller voter. Comme... Jamais? Ben, pendant un certain temps, pendant 10 ans. OK. Puis, OK. Pendant ces 10 ans-là, tu n'as pas le droit d'avoir de titre honorifique. Mettons, Mathieu et François sont en Belgique. Mathieu sauve François des Flammes. Puis là, la municipalité te dit « Hey, bravo! » Ou le pays te dit « Bravo, t'as sauvé François. » C'est une médaille, quelque chose genre. Tu le mérites pas, t'es pas allé voter. Ah, OK. Ben, oh. ça a du sens quand même. Oh, ouais, c'est cool. Ça, j'aime ouais. ça. Ça force les gens. Allez-y, c'est important. D'un côté, oui, mais de l'autre côté, moi, ça me fait dire, ça t'oblige à aller voter. Peu importe si tu connais ou pas les candidats, tu vas aller voter pour n'importe qui. Fait que au ça pire, fait... annule-les ton vote. Ah, j'avoue. T'sais, mais les gens font pas ça. Peut-être non, ils vont sûrement voter pour quelqu'un au hasard. Genre le parti le plus populaire qui va gagner de toute façon, ils vont juste rajouter un vote de ce côté-là. Mais en fait, comment ben, ça... Peut-être, ou ça peut avoir l'effet inverse aussi. C'est vrai. Hein? David? Mais c'est important d'aller voter. Moi, c'est un devoir, le citoyen. Écoute, il faut le faire. Oui, mais en fait, vous avez tout à fait raison. Vous amenez deux bons points. C'est qu'il y en a En fait, comment ça fonctionne, c'est que il y a... Ben, en fait, avant de parler de votre point, je vais finir parce que c'est complexe, la politique en Belgique. Il faut que j'amène point par point, sinon je pars tout le monde. C'est bon. Donc, vous me suivez jusqu'ici? Oui, je suis. Donc, finalement, depuis 2003, les lois sont pas vraiment appliquées. Donc, il y a de moins en moins de monde qui vont voter. Là, au début, c'était 5% le taux d'abstention. Là, ça monte à 10% parce que le monde se rend compte que finalement, même s'ils vont pas voter, mais par contre, normalement, le monde, ils vont quand même, parce qu'ils sont habitués d'y aller, donc ça fait partie de leur culture, mais de moins en moins, il y en a qui ne veulent pas que ça soit obligatoire. Donc, il y a un sondage qui est passé dans le dimanche. Mais le dimanche, je vous dirais, c'est un espèce de journal de Montréal, France, belge. Sensationnaliste un peu et petit peuple. Ça ressemble à ça. Comment j'ai lu ça? Accident de minou, accident de... Bref, puis il y avait 80% des gens qui ne voulaient plus que ça soit obligatoire. Dans leur, parmi leurs lecteurs. Exactement. D'accord. Puis 20% qui voulaient que ça gagne. Mais si on aurait pris un journal, ben, j'ai pas vérifié les autres journaux, est-ce que... ça va changer, mais il y a par contre des partis politiques qui veulent que ça change, qui veulent complètement abolir. Par exemple, les partis politiques, il y a le VLD et le CDEV. Ça, c'est deux partis politiques qui sont plutôt centre-libérales, qui eux autres, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les Flamands. Ceux qui parlent le néerlandais, ça, c'est une langue qui vient du Pays-Bas, puis eux, ils veulent l'abolir complètement. Ils trouvent que ça sert à rien. Depuis 2003, de toute manière, on n'applique plus la loi. Sauf que il y a ceux, en fait... ceux qui viennent de la région de la Wallonie, c'est-à-dire ceux qui parlent français, qui, eux, veulent ça absolument le sauver. Puis pour eux, c'est la fin de la Belgique, c'est la fin de la francophonie là-bas. Si jamais on n'oblige pas, parce que eux, ils ont peur que ça perde leur électorat. OK. Si on l'oblige pas, ils ont peur que les francophones n'aillent pas voter, donc ils font en sorte que ça favorise les Flamands. D'accord. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive là-dessus? Comment, pourquoi on a oublié? Où on a obligé ça, c'est que en 1894-1895, on s'est dit, ben, on veut pas que les pauvres, après tant de grèves sanglantes et compliquées, on s'est dit, ben, on va permettre aux pauvres d'aller voter comme ça. Eux, ben, ils n'auront pas le prétexte comme quoi les patrons vont leur dire, ben, toi, tu peux pas aller voter, faut que tu travailles. Donc, eux, ça va les laisser libre d'aller voter sans avoir aucune contrainte. Sauf que, dans le temps, qu'est-ce qui arrivait, c'est que tu pouvais voter trois fois. Tu avais comme trois votes dépendamment de ta classe sociale. C'est-à-dire que si tu avais un diplôme et si tu avais un certain revenu, que tu payais un certain revenu, ce qu'on appelle le sens, donc tu pouvais voter trois fois. OK, c'est comme des crédits de vote. Là. Certains votaient plus de fois que l'autre. C'est comme un petit peu injuste. Ça. Oui, c'est ça, mais peu à peu, ils ont flashé ça. Ben, j'espère. Ouais. Ben oui. Il n'y a pas de vote qui vaut plus qu'un autre. Là. Non, c'est ça, mais dans le temps, ils voulaient mettre ça pour les propriétaires, ceux qui avaient une certaine... Les riches, finalement. Ben, tout le monde pouvait voter, mais c'est juste que plus que tu avais des revenus, plus que tu étais éduqué, plus tu étais important, mais c'est... je m'excuse, mais ton vote que tu gagnes 1 million ou plus ne vaut pas plus que le mien. Exact. Ben, exact. Ben exactement. Même s'il y en a qui pensent qu'avec des enveloppes brunes... un petit peu... Ouais. Mais c'est ça. Mais là, ça a été peu à peu aboli. Puis en plus, les femmes ont pu voter à la fin des années 40. Les femmes ont pu voter. C'est choquant, ça. Hein? Ça a pris du temps. Que les femmes votent ou que les femmes ne peuvent pas voter. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il fait son petit. Oh, ouais, exact. Fin finou. Ah. Ben, donc, tout le monde peut voter, ceux qui ont 18 ans et plus. En fait, tout le monde est obligé de voter. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, depuis 2003, en fait, c'est plus... Ben, en fait, c'est obligatoire. La loi est encore là, sauf qu'on l'applique pas parce que c'est tellement compliqué de voir, OK, qui a pas voté, qui a voté. Et en plus, il y a eu des problèmes politiques pendant à peu près 3 ans, l'équivalent de 3 ans, 3 ans et demi. Il n'y a pas eu de gouvernement stable. OK. Donc, ça a été très compliqué là-dessus. Là, je fais une petite parenthèse. C'est que là, il y a au moins une trentaine de partis politiques en Belgique. OK. Et là, comment, une trentaine? Ah ouais, il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, sauf qu'il n'y a jamais de grosse majorité. Fait que là, les gouvernements sont obligés d'avoir des coalitions. Mettons, les Flamands, qui parlent, mettons, le néerlandais, sont obligés de faire des gouvernements avec les Wallons. Puis là, t'as des conservateurs avec des progressistes, puis t'as des... Vraiment, c'est mélangé. Puis là, pendant 2 ans, il y a eu vraiment des désaccords au niveau du gouvernement par rapport à qu'est-ce qu'on applique au niveau des francophones, comment qu'on applique les règles, à quelle place qu'on les fait faire, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on est indépendant par rapport aux francophones, est-ce que les néerlandais... Bref, toutes des questions au niveau géopolitico-linguistique qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu vraiment de gouvernement stable et le gouvernement démissionnaire était pogné là pendant un an et demi parce que le roi... Parce qu'il y a un roi en Belgique. Oui. Ah ouais, les rois. Oui. La monarchie. Exactement. C'est Albert II, le roi. Okay. Et Albert II a dit... Ben, en fait, c'est le roi qui décide des ministres. OK. Donc, les gens élisent, par exemple, les députés, les maires et tout ça. Sauf que c'est le roi. Mais par contre, il y en a qui pourraient dire « Hey, c'est complètement despotique », mais au contraire, il y a une mentalité qui dit « Ben, c'est le roi qui nous nomme, donc on doit prouver notre place. Pourquoi c'est légitime d'être là? » OK. Pour dire « Regardez, c'est pas le peuple qui nous a élus, mais on veut quand même prouver qu'on est là, on est légitime, on vient du roi, mais on veut quand même prouver que... Mm-hmm. » On est légitime. Et sans le roi, je vous dirais que la Belgique aurait eu de la misère un petit peu parce que c'est le roi qui a dit au gouvernement démissionnaire « Tu fais le gouvernement quand même. » Parce qu'il y a comme eu le gouvernement qui était en train de se faire former, qui négociait, que là, il pouvait pas former parce qu'il négociait. Puis tu avais le gouvernement qui était démissionnaire, mais qui a tordu le bras un petit peu pour qu'il soit en place, pour que justement, il s'occupe des affaires urgentes. Comme au niveau des urgences financières, de la sécurité, pour qu'il soit là de manière ponctuelle. C'est sûr qu'il n'y avait pas de grandes lois importantes, de grands projets importants à long terme, mais au moins ça a permis une stabilité pour pas que ça devienne l'anarchie ni le chaos. Mmh. Donc on a eu un roi qui a tordu le bras, c'est vrai que oui, on critique la monarchie, mais c'est sûr que sans le roi, on aurait pu avoir une Belgique plus complexe. À moins que je me trompe, là, mais c'est ce que j'avais l'impression de voir, là. En lisant là-dessus. Exactement. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport aux élections belges. Ah oui, si mettons, tu dois t'absenter durant les élections. Tu peux pas être là. Mettons que François doit aller en voyage. Vote par anticipation? Non, ça existe pas. Oh. Ça existe pas là-bas? Ben, ça existe peut-être, mais c'est pas mentionné comme quoi. Sauf que ce que tu peux faire, c'est que au moins 2 semaines d'avance, t'en vas voir les ministères où, par exemple, t'es malade, tu peux pas y aller, tu vas voir le médecin, tu te présentes ça, le papier du médecin, de ton employeur ou peu importe la personne. Une chose officielle. Exactement, au maître qu'on appelle en fait le bourgmestre. Le bourgmestre, c'est une espèce de conseiller municipal ou de maire, dépendamment du territoire qu'il occupe. Et lui, c'est à sa discrétion. Si, mettons, là, il trouve que ta grand-mère a décédé trop souvent cette année, mettons 5 fois, il va faire comme, ben, là, regarde, ça reste pour aller voter, là. Il va étudier un petit peu le sujet pour s'assurer que ce soit crédible et... Mais c'est touché. Si, exemple, monsieur, il sait que tu voteras pas, exemple, pour lui... peut refuser peut-être ton excuse. Mais j'imagine que le gars doit être complètement impartial. Ouais, souhaitons-le. Ouais, j'espère qu'il est nommé comme ça. Oh, ouais, c'est sûr que lui, il va pas s'arranger pour avoir des votes tout. C'est sûr que... Mais il y a tellement de partis politiques, il y a tellement... C'est tellement diversifié. T'as des conservateurs, t'as des catholiques libéraux, t'as des catholiques progressistes, t'as des conservateurs... Il y en a 30. Trop. Ouais. Ben, il y en a beaucoup. Fait que ce qui fait en sorte que tu n'auras jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parti politique qui est hyper dominant avec 40% des votes. Là. Mmh. Ça pourrait, mais c'est tellement diversifié. Ouais. Mais ça oblige au moins des conservateurs à concerter avec des politiques qui sont plus à gauche. Donc, ça oblige, c'est sûr que oui, ça traîne à longueur des fois, mais au moins ça oblige une concertation. Mmh. Sauf qu'il y en a qui ont peur que la Belgique ne soit plus la Belgique, mais devient plutôt la Wallonie et la Flandre. Oui. À cause de toutes les disputes qui se passent. Il y en a qui disent, ah, ben, finalement, la Belgique, en fait, il y a comme 3 territoires linguistiques. Il y a il y a la partie germanique qui est vraiment à l'est, mais ça, c'est un petit territoire. C'est pas gros. C'est une espèce de petit croissant. Puis t'as une autre personne, en fait, qui se disait nord-sud, c'est-à-dire que t'as les francophones, puis t'as les néerlandais. Mm-hmm. Donc, et les néerlandais, les français, ça se peut que ça se sépare pour que ça devienne 2 territoires, là. OK. Eh bien, c'est intéressant quand même comme sujet. Oui, quand même, c'est assez. J'espère que je vous l'ai bien expliqué, que c'était pas trop complexe. Non, tu nous as fait comprendre ça pas mal bien, David Ferron. Est-ce que tu avais autre chose à dire? Ben, en fait, de mon côté, non. Mais par contre, je voulais présenter 2 chansons. Oui, ben oui, on va aller écouter ça. On va aller écouter ça tout de suite même. Qu'est-ce que tu nous fais entendre? En fait, d'abord, je vais vous faire écouter un classique de la chanson belge, c'est-à-dire « Plat pays ». Plat pays, avant, c'était chanté par Jacques Brel, mais là, je vais vous faire présenter une version de Pierre Raspa, qui est en fait un chanteur connu, qui a eu une certaine gloire en Belgique dans les années 80. Et c'est quoi Plat pays? En fait, c'est une chanson pour expliquer que la Belgique, il n'y a pas de montagne. À Belgique, par exemple, la France, la Suisse, puis l'Allemagne vont avoir les Alpes, par exemple, tandis que la Belgique, c'est plat. C'est plat, plat, plat. Oui, puis je sais pas... Comme Trois-Rivières. Exactement, oui. Il y a des petites buttes au d'Henri Collet, mais à part de ça... c'est pas voulu. Mais quand tu cours 10 fois, quand tu fais des entraînements de cross-country, là, par contre, tu vois que c'est une montagne. Ouais, j'imagine. Ça fait mal au mollet. Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Des sexy mollets. Et l'autre pièce, Mister? Oui, Mister, en fait, ça vient de Matt Biul. Ça, c'est Mister, en fait, c'est pour vraiment critiquer les gens qui sont au pouvoir en Belgique. C'est vraiment, c'est une toune qui est en anglais, mais les paroles sont très faciles à comprendre pour ceux qui maîtrisent le moindrement l'anglais. Mais c'est vraiment, c'est une critique pour dire, vous êtes là, excusez-moi, mais je voterai pas pour vous parce que vraiment, mon pays devient n'importe quoi à cause de vous, là. Parfait, on écoute pour commencer le plat pays et puis après ça, on parle avec Aboubakar oui. Thiam. Par contre, j'avais une petite anecdote. Vas-y. Est-ce que ça vous dit de quoi Astérix chez les Belges? Oui, la bande dessinée, je m'imagine. Oui, puis pour ceux qui sont vraiment fans d'Astérix, ça m'a donné, il arrive en Belgique puis il dit « Ah ben, nous n'avons que des oppidums comme montagne. » En bien, ça fait référence justement à la chanson « Plat pays » parce que dans « Plat pays », ils disent « Nous avons, on n'a que des cathédrales comme montagne. » Donc, je vais vous laisser avec Plat Pays et Mystère. Très bien. Merci, David Ferron. Merci beaucoup. Ben, ça me fait gros plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écouter le tenir ce plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir ce plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écouter le craquer ce plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mer. Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter ce plat pays qui est encore le mien. Le plat pays de Pierre Rapsat. À Assemblage requis, c'est dans la chronique Graines de pivot de David Ferron. Je vous promets que tantôt, on entendra son autre pièce, celle de Matt Bioule, Mystère. Mais avant ça, François-Olivier, on a un invité spécial en studio. Oui, exactement. On reçoit directement dans le studio M. Abubakar Thiam, qui est président du Comité d'intégration internationale universitaire, le, communément appelé le CIUU. Bon, C-I-I-U. C'est ça. Désolé. En fait, bien le bonjour, M. Thiam. Bonjour à vous. Vous allez bien? Oui, bien, merci à vous. Oui, très bien, merci. Donc, en fait, on va commencer à parler, parce qu'il y a une activité qui se déroule présentement sur le campus, ça s'appelle les 48 heures multiculturelles. C'est quoi un peu cette activité-là? Ça a commencé hier, si je ne me trompe pas. Hein? Absolument. Permettez-moi d'abord de vous remercier vraiment la, votre radio, parce qu'à chaque fois qu'on a des événements, vous nous permettez de promouvoir... Ben en même temps, on est là pour ça. Merci beaucoup. Voilà, donc les 48 heures multiculturelles, comme vous l'avez dit, ça a commencé début et elle s'achève aujourd'hui à 18h. OK. Donc le local qu'on a cette année, c'est à la cafétéria. Okay. Donc qu'on a... Parce que généralement, ça se passait sur le hall de l'université, mais cette année, pour des raisons un peu administratives et tout, on n'a pas pu avoir ce local. OK. Et pour diverses raisons aussi. Diverses raisons ont fait que cette année, on les a tenus là-bas à la cafétéria. Parfait. Directement à la cafétéria. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver pendant le 48 heures multiculturelles? C'est extraordinaire ce qu'on peut retrouver parce que, comme hier, on avait 11 à 12 stands, donc de pays différents, mais aussi des artistes qui sont ici au sein de Trois-Rivières, qui évoluent un peu dans le domaine artistique, qui présentent vraiment divers articles, qui présentent vraiment de très belles choses. Et j'invite vraiment les gens à venir découvrir un peu, à venir voyager à travers le monde, parce qu'il y a tout, les gens peuvent poser des questions, on va vous répondre sur les différentes cultures. Mais c'est sûr, on parle de culture, mais en fait, on peut se renseigner aussi sur les pays en tant que tel. Oui, absolument, on peut se renseigner sur la position, la situation économique du pays, la démocratie au sein des pays, et vraiment beaucoup, beaucoup de questions, que les gens viennent, qu'ils ne se gênent pas, il y a des gens qui sont ici pour répondre à toutes ces questions. Parce que pour se comparer, en fait, ça peut être une bonne occasion. Là, justement, en fait, on parle beaucoup de la hausse des frais de scolarité. Pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, mettons, en ce qui a trait à la scolarité dans divers pays, je pense que c'est une bonne occasion. Oui, absolument. Surtout, comme vous le savez, ces temps-ci, il y a beaucoup de mouvements d'humeur ici au sein du Québec. Donc, certainement, les gens qui seraient intéressés à en savoir plus sur les systèmes éducatifs internationaux des autres pays, c'est une occasion vraiment de venir aussi discuter avec ces étudiants afin de savoir c'est quoi leur système éducatif. Génial. Ça, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Hier, ça a commencé de 10h à 18h. Aujourd'hui aussi, c'est de 10h à 18h, pareil. OK, formidable. Et puis, on va parler aussi, parce que samedi, écoute, une grosse journée pour toi. C'est le gala des 5 continents qui va se dérouler ici à l'UQTR. Je pense que ça va être au 10-12, est-ce que je me trompe? Absolument, comme vous l'avez dit, le gala des 5 continents, c'est vraiment l'événement phare du CU, parce que c'est l'événement qui regroupe au moins 400 personnes par année. Et t'as marre. Donc c'est nous invitons aussi les gens à venir. Cette année, on va le faire au 10-12. Pour okay. montrer aussi que le local, ça nous appartient à nous, étudiants. Nous pouvons utiliser nos locaux c'est ça, pour exactement. Nos événements. Effectivement. Donc, c'est ça. Ça va commencer à 17h30. Okay. Par exemple, de 17h30 à 20h, on va servir les invités le buffet du monde. Oui, il y aura un peu de tout. Il y aura tous les okay. plats. Un peu, on va traverser les frontières. OK, c'est le fun, ça. Oui. Expérience culinaire intéressante. Absolument. Il y aura des bénévoles. Tout le monde sera là. Vraiment, vous verrez toutes les costumes que tous les costumes que vous pouvez voir, toutes les costumes traditionnels, ouais, tenues traditionnelles, tenues modernes, tenues, chacun vient vraiment avec sa fierté. Ok. Donc j'invite vraiment les gens à venir. Maintenant de 20h à 22h30, on va offrir un spectacle de feu. Okay. Ce spectacle, il y aura des danses, il y aura des défilés des diverses nationalités qui sont présentes ici à l'UQTR. Mais aussi parallèlement, on peut retrouver des artistes un peu qui sont des étudiants et certains d'autres qui ne sont pas des étudiants. Okay. Mais parce que le but derrière tout ça, c'est effectivement de promouvoir les talents de l'université. Okay. Okay. Et après ça, on va sanctionner la soirée, l'événement par une soirée dansante qui va débuter de 0h à 3h du matin. C'est ça, à la fin, on tasse toutes les tables. Absolument, puis, on tasse toutes les tables, puis on va continuer avec la discothèque internationale où on va écouter aussi un peu de tout. Génial, ça commence à 17h30. Ça nous prend des billets. Oui, effectivement, les billets sont déjà disponibles. D'ailleurs, on en vend là-bas à l'événement. Au 48 heures multiculturel. Ouais, au 48 heures multiculturel. Okay. Donc, la pré-vente, c'est $20. $20 en pré-vente? $20 pré-vente et à la porte, ce sera $25. $25 le samedi 14 avril, ouais, à partir de 17h30. Donc ici, vraiment, j'invite les gens à venir en acheter pour ne pas que pour des raisons sécuritaires, si toutefois le 10-12 risque d'être plein aussi, okay, au moins pour se souvenir. Faut se prendre d'avance. Évidemment, écoute, avant le gala, on ne soupe pas avant. On mange, en fait. Oui, il y aura vraiment de tout. Donc, j'invite vraiment les gens à ne pas trop manger et à venir parce qu'il y aura de tout, On va mettre tous les mets un peu à travers, qui vont venir d'un peu partout du monde. Génial. Merci beaucoup à Babacar Diane. En finissant, est-ce que vous aviez une autre activité ou quelque chose d'autre que vous vouliez parler? Non, pour l'instant, c'est juste pour dire aux gens de venir nous encourager aussi parce que le CU, comme vous le savez, c'est le comité d'intégration internationale universitaire. Il ne peut pas y avoir d'intégration juste si c'est nous qui sommes entre nous, les étudiants internationaux. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour qu'il y ait véritable intégration, il faut aussi que tout le monde vienne, que tout le monde mette la main dans la pâte pour que nous tous ensemble, nous puissions découvrir le monde ensemble, que chacun. Et puis, le plus important aussi dans tout ça, j'avais oublié de vous le dire, le thème du gala cette année, c'est « Bienvenue chez nous, okay, prends place et parle-nous de toi ». Ok. Donc c'est vraiment un signal fort pour dire aux gens que c'est le moment de s'immiscer, c'est le moment de se mixer un peu pour cette soirée. Formidable. Babacar Diame, qui est président du comité d'intégration internationale universitaire, merci beaucoup. S'il y a d'autres choses, merci à vous et bonne journée. Merci. Bonne journée à toi aussi. Très bien dit. Donc, c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On va se quitter quelques heures, je dirais un 22 heures environ, avant la prochaine édition de l'assemblage requis. On va se retrouver demain dès 7 heures avec, entre autres, la chronique de Simon Fitzbé, Phénomène. Il va nous présenter un autre phénomène de la musique. Ensuite, on aura François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Et puis, on aura des solutions à vos problèmes dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est demain dès 7 heures. Restez sur nos ondes pour le dîner de cons à partir de 11h avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, il y aura Catalepsie à 13h, La Spirale à 16h, 6 degrés avec Kim Bergeron à partir de 17h. À 19h, on commence nos soirées électroniques avec Le Lobby, suivi de PsyTR à 21h et de Transformer à 22h. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec le deuxième extrait que je vous avais promis tantôt de la chronique de David Ferron, Graine de Pivot. C'est l'artiste Matt Biul. Oui, exactement. Et le morceau Mystère. Passe une bonne journée, François. Merci, Mathieu, à tous. Oui, hey, merci à David Ferron. Merci à... Merci, David. À Babacar Diame. Merci à Anne-Julie Durocher. Tout à Jasmine Raymond-Drainville. À vous, les petits requins. À vous. Oh, à vous. Bye, là. Mister, how do you feel when you get up and see what you've done? Hey, mister, down on my knee, I beg you to stop your absurd reform. What did you spoil my country? What did you rape my soul? I didn't wanna. alone at home. But mister, nobody wants another Jerusalem in all land. And why did you rape my country? Why did you spoil my soul? I didn't want to have to choose. Mr. Blind, Mr. Leave us alone. This is our place that we call home. Why did you rape my country? Why did you spoil my soul? I didn't want to have to choose between you. Why did you rape my country? Why did you between you.